Upanishad nous rappelle Appamattena, Sampadetta. Donc, continuez à vous efforcer à rester vigilant. Ne brisez pas les préceptes que vous venez de prendre. Donc, à présent, je vais donner un enseignement sur la méditation. Lorsque vous pratiquez la méditation, chaque fois que vous pratiquez la méditation, à chaque fois qu'on pratique la méditation, nous, les méditants, les yogis, on prend des préceptes. Le Bouddha a déclaré Svakato Bhagavata Dhammo. Le Dhamma a été bien exposé par le bienheureux, c'est-à-dire par le Bouddha. Il est bon au début, il est bon au milieu et il est bon à la fin. Il est bon au début, ça renvoie à Sila, la moralité, les préceptes. Il est bon au milieu, ça renvoie à samadhi, la concentration. Et il est bon à la fin, ça renvoie à panya, la sagesse. C'est-à-dire comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Donc lorsqu'on prend soin de notre parole et de nos actes, on accomplit le début, on accomplit sila, la moralité. Et donc ici, en prenant les préceptes, vous accomplissez déjà deux choses, le contrôle des paroles et le contrôle des actes physiques, des actions du corps. En pali, c'est vachikamma et kayakamma. Donc, Sila prend soin de ces deux choses-là. Ces deux choses-là servent ensuite de fondement pour la pratique pour la méditation et elle nous aide pour la pratique. Une fois qu'on a pris soin des actions physiques et verbales, il reste encore les actions mentales et ça, c'est seulement la méditation qui peut en prendre soin. Donc à présent, vous avez pris les 9 préceptes, c'est très bien, c'est très bon. Ça va vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Vous avez aussi écouté les instructions, la façon dont on pratique Vipassana, et maintenant il faut mettre ces instructions en pratique. Et donc quand vous pratiquez la méditation assise, vous basez votre méditation sur l'observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen, sur la note mentale du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Et puis, vous notez aussi tous les autres objets. On peut les appeler les objets secondaires. Par exemple, chaque fois que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, que vous goûtez, que vous touchez, vous notez cela. Vous observez ces objets secondaires. Et puis aussi, il faut noter les ressentis désagréables et tous les états d'esprit. Pensée, vagabondage de l'esprit, imagination, etc. Tous ces objets secondaires doivent être notés. Quel que soit l'objet qui apparaît, aux 6 portes des sens, il doit être noté. Si on ne pratique pas la méditation, notre esprit va partout. Et la plupart du temps, il va vers des choses qui l'inquiètent, pour lesquelles il se fait des soucis. Parfois aussi, l'esprit ressent de l'anxiété. C'est notre condition, c'est la condition de notre esprit. Et on ne peut pas contrôler l'esprit, sauf si on pratique la méditation. Ce n'est qu'avec la méditation qu'on peut le contrôler, et en particulier la méditation vipassana. Donc, en général, on peut penser que notre esprit n'a rien. Qu'il n'y a pas, n'a pas de problème, que tout va bien avec notre esprit. Mais en fait, notre esprit est plein de désirs, plein de lobha en pali, de désirs, il veut beaucoup de choses. Et donc, à cause de ça, il n'est pas en paix. Et si notre esprit n'est pas en paix, on ne peut pas voir clairement ce qui se passe dans notre corps et notre esprit. Le Bouddha a déclaré que cette pratique visait à purifier notre esprit, Satanam Visuddhiya en pali. Notre esprit est pollué, il est contaminé par les pollutions mentales. Donc, est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que, comme le Bouddha l'a déclaré, notre esprit n'est pas pur parce qu'il est pollué par les impuretés mentales? En fait, même si on aimerait vivre heureux, vivre paisiblement, on n'a pas cette qualité de l'esprit en nous. Si on veut vraiment vivre heureux et paisible et comprendre notre corps et notre esprit, on doit pratiquer la méditation vipassana. Maintenant, c'est ce que vous faites, vous pratiquez, vous démarrez la pratique. Si vous suivez les instructions du Bouddha, vous saurez comment vivre heureux et paisible et vous comprendrez réellement votre corps et votre esprit. Mais cela demande une pratique diligente. Donc, quand j'ai donné les instructions, j'ai expliqué qu'il fallait essayer de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen de manière rapprochée. Qu'est-ce que ça veut dire de manière rapprochée? Ça veut dire du début à la fin, de façon continue, sans interruption. Quand vous notez le soulèvement, vous le notez du début à la fin, sans interruption. Même chose pour l'abaissement. Notez-le du début à la fin, de façon continue. De cette façon, votre esprit sera concentré. C'est ce qu'on appelle samadhi, la concentration. Lorsque votre esprit est concentré, alors vous verrez qu'il y a deux choses. Vous verrez distinctement deux choses. Vous verrez l'esprit qui note, ça c'est nama en pali. Et vous verrez l'objet qui est noté. Ça, c'est le soulèvement, l'abaissement, c'est rupa, la matérialité. Ça, c'est la compréhension. Donc, de samadhi, de la concentration procède la compréhension. Donc, c'est le sens du mot svakata. Svakata, ça veut dire bien exposé. Le dhamma du bienheureux a été bien exposé. Il est bon au début, c'est sila, ça vous avez déjà pris les préceptes. Il est bon au milieu, c'est samadhi, c'est la concentration. Au moment où vous parvenez à noter de manière rapprochée, là, vous avez la concentration. Votre esprit colle à l'objet, il ne va nulle part, il reste sur l'objet principal. Et une fois que votre esprit est concentré, alors vous commencez à voir clairement. Vous pouvez voir clairement. Et ça, c'est la sagesse, panya. Donc, si vous notez de manière rapprochée, de façon continue, votre compréhension va s'approfondir et s'approfondir et s'approfondir de plus en plus. C'est pourquoi les méditants doivent suivre les instructions du Bouddha et à chaque note mentale, ils doivent déployer de l'énergie à la fois physique et mentale. Afin de faire l'expérience de samadhi, de la concentration et de panya, la compréhension juste, il faut appliquer deux choses. Il faut, comme je viens de le dire, il faut appliquer l'énergie physique et l'énergie mentale. C'est très important. Qu'est-ce que c'est l'énergie physique? Lorsque vous êtes assis, les jambes croisées, il faut maintenir le corps bien droit. Il faut maintenir cette posture. Il faut essayer de ne pas pencher vers l'avant. C'est pas si facile, mais vous devriez essayer. Qu'est-ce que c'est l'énergie mentale? Chaque prise de note doit être puissante. Il faut essayer de noter du début à la fin. Par exemple, le soulèvement, du début à la fin. Et comment faire ça? Il faut que vous soyez intéressé, que vous soyez désireux de percevoir ce mouvement précisément. Et vous devriez vous dire, je vais m'efforcer de noter le soulèvement du début à la fin. Donc je vais réexpliquer l'énergie physique et l'énergie mentale. En pali, c'est kayika viriya, l'énergie physique. Et Manasika Virya, l'énergie mentale. Kayika Virya, il faut être assis de façon appropriée. Le Bouddha a déclaré qu'il fallait maintenir la partie supérieure du corps droite. Et il faudrait maintenir cette posture tout au long de la session. Et si vous n'y prenez pas garde, vous ne pourrez pas rester assis longtemps en méditation. Et l'énergie mentale, en fait, c'est pas manasika virya, c'est chetasika virya. Il faut essayer de prendre note de manière rapprochée, de manière attentive, de manière précise, chaque fois du début à la fin. Et pas le faire seulement une ou deux fois, mais le faire tout au long. Tant que vous prenez note de l'objet, il faut noter de cette façon-là, de cette manière-là. De cette façon, vous savez comment pratiquer la méditation. Et si vous y parvenez, votre esprit sera bien gardé, il sera bien soigné. Et le Bouddha a déclaré que le méditant qui est très actif, très attentif, peut bien prendre soin de son esprit. Le Bouddha a aussi déclaré qu'un esprit bien gardé, un esprit dont on prend bien soin, apporte le bonheur. Si vous êtes capable de bien prendre soin de votre esprit, de bien garder votre esprit, il n'y aura plus de stress en vous, il n'y aura plus de soucis, de pression. Votre esprit sera très paisible, léger, frais. Et ça, c'est le bénéfice de la pratique de vipassana. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Vous serez aussi en mesure de comprendre tous les objets que vous notez. Vous comprendrez que ces objets sont changeants, qu'ils changent à chaque instant. Le pratiquant de vipassana doit voir cela clairement. Et quand il sera en mesure de voir le changement, il sera aussi capable de voir la nature insatisfaisante, la nature de non-soi des phénomènes. En bref, il pourra voir les trois caractéristiques qui ont été enseignées par le Bouddha. Ok, c'est suffisant pour aujourd'hui. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.